franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, vous allez pouvoir réécouter l'histoire d'AZF, trois lettres qui nous renvoient à Toulouse, le 21 septembre 2001, explosion dans le hangar 221 de l'usine chimique, 30 morts, 2500 blessés, la pire catastrophe industrielle en France. Alors, que s'est-il passé exactement? Était-ce vraiment un accident chimique, comme le dit la justice, ou peut-il y avoir d'autres causes, comme celle de l'attentat ou de l'incident électrique? Entre thèses de l'enquête officielle et contre-enquête, quelle est la part de vérité? Ce genre de catastrophe pourrait-elle encore se produire aujourd'hui? Après le récit, nous recevrons Gérard Ratier. Il est le président de l'association de victimes baptisée Familles Endeuillées. Son fils a perdu la vie lors de cette explosion. Il est là avec nous en direct dans les studios de France Bleu Toulouse. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carra, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. C'est un assassinat prémédité, c'est tout. Et couvert par l'État. On travaillait tranquillement et tout d'un coup tout s'est éteint. Et il y a eu d'un coup une explosion énorme et tout l'hôpital a été soufflé. Il y a les murs qui sont tombés, les vitres qui ont explosé. Et on s'est tous recroquevillés pour se protéger la tête. Oui, il était 10h15 ce matin. Ce sont en fait deux explosions que l'on a entendues. Une première déjà assez forte qui semblait souterraine. Et puis une deuxième, une fraction de seconde plus tard, encore plus violente. On n'a plus de porte d'entrée. Le toit, ça l'a bougé. On n'a plus de fenêtres, plus de volets. On n'a plus rien. Vous croyez que c'est pas une honte? Pourquoi? Pour avoir de l'argent. On n'a plus rien. Plus rien. 21 septembre 2001, 10 jours seulement après les attentats des 11 septembre à New York, une explosion dévaste le sud-est de la ville de Toulouse et ses environs. La détonation est entendue à plus de 40 kilomètres. La déflagration énorme est comparable à un séisme 3,2 sur l'échelle de Richter. Il est 11h17, le hangar 221 de l'usine AZF de Toulouse vient d'exploser. Immédiatement, les autorités déclenchent le plan rouge sur Toulouse et sa région. Les services de secours travaillent d'arrache-pied plusieurs jours durant pour secourir les blessés, les sinistrés et s'occuper des zones résiduelles en flammes sur le site de l'explosion. Le bilan est à la hauteur de la catastrophe. 30 morts, plus de 2500 blessés, 30 000 logements endommagés, 74 écoles, 11 lycées et 77 équipements municipaux sont à reconstruire. Oui, 74 écoles, vous avez bien entendu. La facture pour le total des dommages s'élèvera à plus de 2 milliards d'euros. Mais c'est avant tout un drame humain qui va meurtrir un peu plus l'opinion après les dramatiques images provenues des États-Unis quelques jours plus tôt. L'enquête menée par le procureur Michel Bréard pour éclaircir les faits va très vite rapidement s'orienter vers la négligence humaine et la responsabilité des employés d'AZF, dont son directeur Serge Bichelin et de Total, propriétaire du site. Son PDG à l'époque s'appelle Thierry Desmarais. En revanche, la piste de l'acte volontaire, malveillance ou attentat, est très vite négligée par l'instruction, malgré des faits troublants. Il est négligé au profit de la thèse officielle, c'est un accident chimique dû à une erreur humaine circulée. 8 ans après la catastrophe, un procès hors norme se tient en 2009 avec reconstitution sur le site en ruine d'AZF et avec 1800 parties civiles et 3000 plaignants. Un procès qui se soldera par la relaxe des accusés. Le groupe Total, la société Grande Paroisse, filiale de Total, qui exploite le site, et l'ancien directeur d'AZF, Serge Bichelin. En appel, en 2011, Grande Paroisse et le directeur de l'usine, Serge Bichelin, sont condamnés pour homicide involontaire par négligence ou imprudence. Et le groupe Total et son ex-PDG sont, encore une fois, relaxés. Avec ce procès, la justice semble avoir inscrit dans le marbre une vérité. La catastrophe de Toulouse est d'origine accidentelle, résultant d'un élément chimique malencontreusement mélangé avec un autre. Malgré tout, de nombreuses contre-enquêtes menées par des journalistes en collaboration avec des scientifiques réputés laissent apparaître des faits troublants, tant dans l'exploitation des faits par les enquêteurs que par certaines expertises judiciaires. Alors, qu'en est-il ? Dans un contexte où quelques jours plus tôt, l'Occident a connu le pire attentat de son histoire, l'orientation exclusive de l'enquête sur la piste de l'accident cache-t-elle quelque chose ? Même si la justice a tranché, le débat n'est pas clos aujourd'hui encore. En cette matinée du 21 septembre 2001, le soleil inonde la ville rose, la matinée est douce et laisse présager un très beau week-end sur la région. C'est une journée ordinaire. Annick, une jeune mère de famille, vient d'emmener ses enfants à la garderie et profite de son temps libre pour faire des courses au centre commercial, celui qui borde la rocade. Marc, quant à lui, arrose son jardin du quartier de Rangueil. Le temps est estival. À la mairie, Philippe Douste-Blazy est au téléphone avec l'Élysée. À l'hôtel Dieu Saint-Jacques de Toulouse, situé à 3 km du site AZF, un magnétophone enregistre les conférenciers réunis ce matin-là dans la salle des pèlerins à l'initiative de l'association Alzheimer 31. À 10h17:50, Madame Arias, présidente de l'association, s'exprime au micro devant 200 personnes. Cet enregistrement témoigne de façon irréfutable de la violence de l'explosion. Pas de panique, hein. Pas de panique. Non, pas de panique. Une première explosion, puis ce qui semble être une seconde déflagration. Il est 11h17, le hangar 221 du site AZF vient d'exploser. Le souffle est tel qu'il sera ressenti jusqu'à 80 km aux alentours. Les dégâts sont considérables. L'explosion a été si forte que tous ceux qui l'ont entendue ont cru qu'elle s'était produite dans leur voisinage. Dans l'immédiat, la priorité des pouvoirs publics, c'est l'organisation des secours. La préfecture ordonne l'activation du plan rouge sur Toulouse et sa région et mobilise tous les personnels de santé disponibles. Dans le même temps, le commandant des pompiers dresse un périmètre autour du site de l'explosion pour prendre en charge les premiers blessés qui affluent par dizaines. Les officiers risques techno et chimie, tu les gardes avec moi à l'intérieur des usines. Je veux une couverture, une très large couverture de ce risque. Tout ce qui est... Vous êtes d'accord ? Je demande le rappel de tous les médecins sapeurs-pompiers et médecins urgentistes. Traumatisme léger d'abord, comme les coupures provoquées par les éclats de verre, et puis la grosse traumatologie. Deux hommes ont été opérés cet après-midi. Ils souffraient de ruptures de rate, autres blessures graves, les pneumothorax ou encore les décollements de plèvres, des blessures dues à l'onde de choc. Dans la cour de l'hôpital Purpan, il y a toujours des gens qui pleurent et qui sont affolés car ils sont sans nouvelles d'un père, d'un ami ou d'un voisin. Alors des listes de noms d'hommes et de femmes hospitalisés ont été affichées. Enfin, il faut savoir que les trois hôpitaux des armées de Percy à Paris, de Bordeaux et de Lyon ont été mis en alerte pour accueillir les blessés, notamment les grands brûlés. À ce moment précis, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Les moyens de télécommunication sont coupés. Un épais nuage de fumée semble s'échapper du site AZF et commence à recouvrir la ville. La psychose d'une intoxication chimique gagne alors que les habitants, avant d'entendre un message rassurant, ne savent plus vraiment où aller. Il est 15h, la confusion règne sur Toulouse, la ville rose est en plein chaos. Les services hospitaliers débordent de victimes. L'aéroport de Blagnac est fermé et d'immenses bouchons se forment autour de la ville. Dans ce paysage dévasté, les premiers témoins rencontrés parlent de deux explosions, de vitres brisées, de bâtiments détruits, de cris et de gens blessés. J'ai entendu une explosion formidable sur le coup de 10 heures à peu près. Et donc j'étais dans ce bâtiment, toutes les vitres ont été soufflées, les cloisons affaissées, le matériel. Donc il y a un certain nombre de blessés par des éclats. Première explosion légère, et ensuite une deuxième explosion qui a tout soufflé. Je me suis retrouvé de l'autre côté. Heureusement il n'y a pas de blessés, mais j'ai l'impression que c'est pas pareil pour tout le monde. Donc, il n'y a plus de communication, plus de téléphone, plus rien. La ville est un petit peu bloquée. On travaillait tranquillement et tout d'un coup tout s'est éteint. Et il y a eu d'un coup une explosion énorme et tout l'hôpital a été soufflé. Il y a les murs qui sont tombés, les vitres qui ont explosé. Et donc j'ai tous recroquevillé pour se protéger la tête. Et puis, dès que l'explosion est passée, on est vite sortis dans la cour, on priait pour que tout s'écroule pas. Et on était tous enfants, on avait du sang partout, tout le monde avait du sang partout, c'était atroce. Et moi, j'ai été blessée au visage, j'ai eu des éclats de verre sur le visage. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort là où j'étais, parce que vraiment, tous les locaux ont explosé, l'hôpital est détruit, quoi. Moins de trois heures après l'explosion, le Premier ministre Lionel Jospin, accompagné de son ministre de l'économie Laurent Fabius, arrive à Toulouse. Le chef du gouvernement, élu de la région, Sainte-Gabelle, explique sous le coup de l'émotion que la priorité doit être donnée à la prise en charge des blessés. Mais il livre rapidement les premiers éléments connus sur les circonstances de l'accident. Moi, j'ai voulu venir, bien sûr, immédiatement. D'abord parce que cet accident est dramatique. Ensuite, parce que bon, c'est Toulouse et ma région. Pompiers sont mobilisés pour neutraliser les risques qui pourraient exister encore. Nous veillons bien sûr à tous les blessés pour faire en sorte qu'ils soient soignés, transportés vers les hôpitaux, ici, plus loin, si c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, en ce moment, établir les causes de ce qui est un accident ou autre chose. Donc, une enquête est en cours. Au soir du 21 septembre, la fumée recouvre encore la ville. L'atmosphère est chaude, remplie de ce qui semble être du soufre. L'air qu'on respire porte l'odeur de produits chimiques. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est aussi la désolation. Le sol est jonché de verre, de poussière, de débris en tout genre. Dans ce silence post-apocalyptique, les seuls bruits qui résonnent encore sont ceux des sirènes des véhicules de secours, qui travailleront toute la nuit. Sur le site AZF, les premières constatations des journalistes font apparaître un paysage inimaginable quelques jours plus tôt. Le site de l'usine, c'est plusieurs dizaines d'hectares de bâtiments dont il ne reste depuis ce matin que des gravats, des poutres métalliques tordues, des tôles déformées et des bouts de murets déchiquetés que jusque sur le pont de l'Ognat où passe la rocade. Sur le point précis de l'explosion que j'ai pu approcher ce matin quelques instants, au tout début de la matinée, juste après l'explosion, c'est-à-dire avant que la police n'en interdise l'accès, il y a un cratère lunaire de plusieurs mètres. Le sol est comme éventré. Seule la tour AZF domine actuellement ce paysage dévasté sur la route qui passe devant l'usine et qui emprunte généralement des milliers d'automobilistes chaque matin et qui conduit vers la commune de Muret. Le sol est jonché de gravats, de terre et les voitures qui sont immobilisées sur la chaussée n'ont plus aucune vitre intacte. Il y régnait d'ailleurs après l'explosion ce matin une impression étrange de ville bombardée dont les occupants du secteur auraient fui. Un silence plutôt impressionnant. Un peu plus loin, il y a des grandes surfaces qui ont été soufflées. Là aussi, un amas de tôles, de poutres. Désormais, le secteur est bien sûr interdit à toute personne, hormis les secours. Et les Toulousains qui, depuis des années, redoutaient un accident de ce type dans cette usine, qui est seulement à 1 km de vol du quartier du Mirail, où résident tout de même 40 000 personnes, eh bien les Toulousains savent que leurs inquiétudes étaient justifiées. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe de l'usine AZF, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est en présence d'une usine dans la ville. Un ensemble industriel de 78 hectares, soit 2/3 de la superficie d'une ville comme Paris. Une usine que tous les habitants connaissent par sa gigantesque tour blanche et rouge, du haut de laquelle flotte une épaisse fumée blanche. Elle fait partie du décor, alors on n'y prête pas attention. Chaque jour, ils sont un peu plus de 550 personnes qui viennent y travailler. Située à seulement 3 km au sud-ouest du centre-ville, entre l'autoroute et la Garonne, AZF avait été conçue dans les années 20, à une époque où elle était éloignée de la ville. Mais avec l'urbanisation grandissante de la métropole toulousaine, elle était vite rattrapée par l'agglomération pour se retrouver au cœur de la cité. L'activité principale du site, c'est la synthèse et le stockage d'ammoniac, d'urée et de nitrate, dont le fameux nitrate d'ammonium, produit à partir de gaz naturel, est destiné soit à l'agriculture pour les engrais azotés, soit à l'industrie pour les explosifs de mine, notamment. Des produits évidemment très dangereux s'ils ne sont pas manipulés avec beaucoup de précautions. Le site est d'ailleurs classé Seveso 2 par la préfecture, ce qui lui impose certaines règles d'exploitation et normes de sécurité. La catastrophe d'AZF n'est donc pas qu'un incident circonscrit au bâtiment industriel, mais un drame qui va frapper les gens jusque chez eux. Témoin de premier ordre de ce qui vient de se passer, le maire de la ville, Philippe Douste-Blazy, lui aussi sous le choc. Par la suite, il racontera. Au moment de l'explosion, le parquet de mon bureau s'est soulevé dans un nuage de poussière. Les vitres des fenêtres se sont pulvérisées sous mes yeux par une sorte de souffle. projetant les gonds de la fenêtre à travers la pièce. À ce moment-là, il est impossible pour moi de savoir ce qui s'est passé et je suis convaincu que l'explosion venait de la cave de la mairie. Un témoignage qui traduit un peu plus encore l'ampleur de la catastrophe et qui permet aussi de se rendre compte des dangers d'un site industriel trop près d'une ville. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, à l'époque, Yves Cochet, annoncera le soir même qu'en plus de l'enquête sur la catastrophe, une réflexion plus large doit être menée par le Parlement pour reconsidérer le cas des usines potentiellement dangereuses. Toujours est-il qu'au soir du 21 septembre, à Toulouse, le verdict tombe sur le bilan humain. Bonsoir. 12 morts, 290 blessés, 50 sont ce soir dans un état grave. Toulouse et ses environs ont été ébranlés ce matin par la terrible explosion de l'usine pétrochimique AZF. Un nuage faiblement toxique s'est formé. Il a survolé la ville de Toulouse avant de s'éloigner. Le souffle de l'explosion a détruit des centaines de vitrines et d'appartements du centre-ville. Lionel Jospin, le Premier ministre, s'est rendu immédiatement sur place pour se rendre compte de la situation. L'origine de l'explosion n'a pas encore été déterminée, sans doute accidentelle, mais le président Chirac, qui lui s'est rendu sur place cet après-midi, n'écarte aucune hypothèse. Dès lors, l'enquête va pouvoir commencer. Le jour même sur les lieux de la catastrophe, les experts judiciaires vont procéder aux premières constatations. Le procureur Michel Bréard est nommé pour s'occuper de la coordination de l'enquête avec le parquet. Les experts et le procureur sont rejoints le lendemain par une dizaine d'enquêteurs de la police scientifique qui vont commencer le travail d'investigation, un travail de fourmi avec une patience de bénédictin. Sur le site, ils vont collecter en effet toutes sortes d'indices dans le site du cratère et d'autres éparpillés sur une zone de près de centaines d'hectares. Prélèvements, photos, recherches des premiers témoins, rien n'est laissé au hasard. C'est que la pression est forte, car il faut répondre plus vite à la question que tout le monde se pose. Pourquoi le hangar 221 du site AZF a-t-il explosé? Et c'est précisément cette pression qui va pousser le procureur, Michel Bréard, à faire une déclaration lourde de conséquences pour la suite de l'affaire. Nous sommes le 24 septembre, 3 jours seulement après le début des investigations. Le procureur de la République confirme les premières informations issues de l'enquête. Nous privilégions à plus de 90% la piste accidentelle. Les constatations techniques et concrètes qui ont pu être faites sur le terrain nous permettent de dire que les chances qu'il s'agisse d'un accident sont majoritaire et ne laisse que très peu de place à un acte de malveillance qui avait pu être envisagé au départ. Je pense que les risques ont été sous-estimés à un certain moment. On ne s'est pas aperçu qu'un produit était en train de se dégrader. C'est de la négligence donc. On peut baptiser ça négligence. Rendu public seulement la semaine suivante, les premiers résultats de l'enquête iront effectivement dans ce sens. Grâce à l'analyse des substances retrouvées sur place, les enquêteurs en arrivent rapidement à une conclusion déterminante. Ce sont les 300 tonnes de nitrate d'ammonium contenues à l'intérieur du hangar qui sont à l'origine de l'explosion. Car, si les nitrates d'ammonium sont théoriquement des entités chimiques stables, un mélange avec d'autres substances peut les rendre très dangereux. Bien. Mais que s'est-il passé pour que ces nitrates d'ammonium en arrivent à provoquer une telle catastrophe ? Grâce à différents témoignages, les enquêteurs vont en conclure que c'est une erreur de manipulation qui a conduit un employé d'une entreprise sous-traitante d'AZF à déverser un quart d'heure avant l'explosion 500 kilos de produits chlorés pour piscine, DCCNA ou dichlorosocyanurate de sodium, produit dans une autre partie de l'usine sur un tas d'ammonitrate stocké en vrac. À l'annonce de ces résultats, et alors que les enquêtes s'activent toujours sur le site, la polémique enfle en ville. Des milliers de personnes manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire du site. Total. Entre douleur, colère et incompréhension, la tension est vive, la population exige des réponses. Sous les drapeaux en berne du Capitole, des milliers de Toulousains pour une minute de silence. L'émotion est palpable. On n'a plus rien, plus rien. Il y a des enfants, ils sont dehors. Vous croyez que ce n'est pas une honte? Pourquoi? Pour avoir de l'argent. C'est que l'argent qui mène le monde. La colère ne demande qu'à s'exprimer. En premier lieu contre Total, mais aussi les usines chimiques de Toulouse et plus généralement tous les sites Seveso 2 proches des villes. On fera tout et n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Et vite fait bien fait. Hein. C'est un assassinat prémédité, c'est tout. Et couvert par l'État. Moi je dis c'est un assassinat couvert par l'État. Plus jamais ça, pour le dire, ils sont venus de tous les quartiers, des entreprises, des écoles. Des familles entières, des anonymes, réunis à l'appel d'un collectif improvisé pour surmonter le désarroi. Dès lors, l'attention de l'opinion publique et des médias va se porter sur la responsabilité présumée du groupe Total, propriétaire du site, je le rappelle. Et de fait, la suite de l'enquête va incriminer lourdement le groupe pétrolier français ainsi que l'ancien directeur du site AZF. Affaire sensible, Fabrice Drouel. La piste de l'acte de malveillance ou attentat envisagé au début pour expliquer ce qui s'est passé a donc été mise de côté. Il faut dire qu'elle n'a pas fait le poids face à l'avalanche de témoignages et de découvertes que vont faire les enquêteurs dans les semaines et mois qui vont suivre la catastrophe. De nombreux témoins vont affirmer devant la police que sur le site AZF, les conditions de stockage et de sécurité requises n'étaient pas respectées et pour de nombreuses substances. Un journaliste du quotidien La Dépêche rapportera même que l'entrepôt d'engrais celui des nitrates d'ammonium, était un véritable dépotoir. Je cite les mots de son article. Il insiste aussi sur la vétusté, la précarité, le désordre inconcevable des mesures de protection inexistantes. Juin 2002, 9 mois après la catastrophe, Toulouse continue de panser ses plaies. Et pendant ce temps, la justice et l'enquête se concentrent autour des cadres de l'usine. L'instruction du dossier de la catastrophe d'AZF s'accélère. 24 heures après leur convocation au SRPJ de Toulouse, 4 des salariés et sous-traitants d'AZF doivent être déférés devant les juges Fernandez et Suc. Au terme de ces auditions, ils pourraient donc se voir notifier leur mise en examen, les premières près de 9 mois après l'explosion de l'usine chimique. Elles interviendraient une semaine seulement après la remise d'un rapport d'étape des experts sur les causes de la catastrophe du 21 septembre, un rapport qui privilégiait l'accident chimique. Demain, de nouvelles auditions sont prévues au SRPJ de Toulouse. Elle concernerait une douzaine de personnes, parmi elles des cadres d'AZF ainsi que le directeur de l'établissement. Ce dernier indiquait sur notre antenne quelques semaines après le sinistre qu'il s'attendait à se voir un jour mis en examen. La piste de la négligence semble faire consensus. Elle aboutira à la mise en examen de plusieurs employés et cadres d'AZF. Le juge Thierry Périquet reprend l'instruction dès 2004 et son travail va l'amener à signer un non-lieu envers la plupart des personnes mises en examen pour non-observation des règles de sécurité et autres manquements. Même le manutentionnaire, qui était soupçonné d'avoir réalisé le mélange malencontreux entre dérivés chlorés et nitrate d'ammonium, sera relaxé. Dès 2006, seule la société Grande Paroisse, qui exploite le site, le groupe Total et le directeur de l'usine, Serge Bichelin, resteront sur le banc des accusés. Le juge clôturera l'enquête après la remise d'un rapport final par les experts, concluant que c'est bien un mélange accidentel de dérivés chlorés avec des nitrates d'ammonium qui est à l'origine de l'explosion. À l'issue du premier procès, en novembre 2009, c'est la relaxe générale pour les prévenus. Total, Grande Paroisse et Serge Bichelin. 11 ans après le drame, si Total et son ancien PDG, Thierry Desmarais, sont toujours mis hors de cause par les magistrats, Grande Paroisse et l'ancien directeur d'AZF, Serge Bichelin, sont condamnés, en revanche, et respectivement à 225 000 euros d'amende et à 3 ans de prison, dont un ferme. Le soir du verdict, le 24 septembre 2012, eh bien pour les associations de victimes, c'est le soulagement. L'esprit des grands publics a été traumatisé par la puissance médiatique de Total qui a essayé d'inculquer qu'il s'agissait d'une thèse d'attentat tout azimut. Bon, et je crois qu'aujourd'hui, ça me soulage de penser que ce grand public va enfin pouvoir dire « Non, c'est pas l'attentat, c'est bien un accident chimique ». Oui, mais malgré 8 ans d'enquête, 2 procès, des milliers de pages d'instructions, de témoignages, d'expertises, certains journalistes, témoins ou encore scientifiques, ne croient pas au scénario que nous venons dérouler. Et sans dériver vers la théorie du complot, pour ces enquêteurs-là, des questions troublantes subsistent. Concernant l'enquête d'abord, selon ces journalistes, qui sont aussi des enquêteurs, la piste terroriste aurait été arrêtée trop tôt et malgré des éléments probants, comme l'arrestation après la catastrophe du véhicule de 2 individus liés à des groupes islamistes dont la voiture avait les vitres cassées qui semblaient vouloir quitter rapidement Toulouse. Ou encore, l'étrange découverte du cadavre calciné d'un homme qui aurait porté plusieurs couches de sous-vêtements sur le site de la catastrophe. Et ça, c'est une pratique adoptée par des combattants du djihad lors des attentats en Israël. Selon les journalistes, le gouvernement de l'époque aurait tout fait pour enterrer la piste de l'attentat. Encore une fois, dans le contexte dramatique des attentats du 11 septembre à New York, 10 jours plus tôt, rappelons-le, les autorités voulaient peut-être éviter une vague de panique, de psychose, comme ce fut le cas lors de la vague d'attentats de 95 à Paris. Peut-être, car rien n'est prouvé sur ce point, et saura-t-on jamais. Par ailleurs, de nombreux scientifiques pointent les incohérences dans les rapports d'enquête des experts. Par exemple, des acousticiens qui ont analysé les bandes sonores de la catastrophe expliquent qu'il y aurait bien eu 2 explosions et non une seule, comme l'affirme le rapport officiel de l'enquête. Le second bruit, dit le rapport officiel. Le second bruit, c'est l'écho de l'explosion, tout simplement. Oui, sauf que, Jean-Marie Arnaud Dies, un mathématicien réputé, précise que d'après ses calculs de triangulation, la première explosion viendrait du site de la SNPE, Société Nationale des Poudres et Explosifs, un site stratégique pour l'État, placé sous secret défense et sur lequel on fabrique les ergols, un carburant très volatile pour les fusées Ariane. En outre, de nombreux journalistes et chercheurs reconnus ont pointé le problème de la thèse officielle concernant l'explosivité du mélange entre dérivés chlorés et nitrates d'ammonium, car aucun des tests réalisés en laboratoire par les experts n'a permis de reproduire une explosion, celle-ci n'étant possible, selon eux, que dans des conditions très précises. Les associations de victimes de la catastrophe crient au scandale face à ces théories qu'elles jugent fantaisistes et diligentées en sous-main par la société Total elle-même. Elles rappellent par ailleurs que justice a été rendue et que Total n'a pas bronché lorsqu'elle a dû payer pour les dégâts comme un aveu de culpabilité. À l'inverse, Total et les salariés d'AZF ne croient toujours pas que l'explosion ait pu venir spontanément du hangar 221. Pour eux, la vérité est ailleurs. C'est un accident électrique sur le site voisin de la SNPE ou un acte de malveillance. Chacun, en fait, y va de la théorie qui l'arrange. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to have no fun. The children want to have no fun. Fire burn, fire burn. Fire burn, fire burn. Blood around, blood around. Blood around, yeah. The children want to play in the sun. The children want to play in the sun. Put it down, put it down. Put it down. Put it down. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la catastrophe d'AZF à Toulouse, le 21 septembre 2001, avec notre invité Gérard Ratier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association de victimes baptisée Familles Endeuillées. Votre fils a perdu la vie lors de cette explosion dans l'usine AZF et vous êtes en direct de Toulouse, dans les locaux, les studios de France Bleu à Toulouse. Merci d'être avec nous. Nous allons évidemment reparler des faits, car je crois que vous avez des éléments complémentaires. Nous allons parler aussi, cela vous tient à cœur, je crois, du comportement de la société. Total. Permettez-moi de vous poser avant cela une question d'ordre personnel, sans vouloir bien sûr rouvrir les blessures qui sont, j'imagine, pas cicatrisées. Quel était votre sentiment à l'écoute de la narration de cette affaire qui vous a touché de si près ? À vous écouter, vous dites. Comment ? Écoutez le récit. Qu'est-ce que cela ? Je vous ai bien écouté. Il y a des points sur lesquels je souhaiterais intervenir, mais ce n'est pas l'objet du débat. Je voudrais simplement revenir sur le fait que le débat reste ouvert, avez-vous dit. Je voudrais rappeler simplement que s'il est ouvert, c'est par la faute grossière du président de la Cour d'appel de Toulouse, qui, dans la désignation du juge, a commis une erreur grossière. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je voulais préciser sur le contenu de votre mission. Quelle est cette erreur grossière, selon vous ? Pardon ? L'erreur grossière dont vous parlez ? L'erreur grossière, c'est d'avoir nommé un juge, malgré lui, sans avoir vérifié qu'il avait les garanties d'indépendance, ou avoir passé par-dessus ces garanties et l'avoir maintenu, malgré son souhait. Voilà. Et pourquoi, selon vous ? C'est la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui avec un troisième procès. Et pourquoi, selon vous, avoir nommé un juge manquant d'indépendance, selon vous ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Selon vous, toujours ? Je ne suis pas à sa place. Je ne sais pas. Mais je trouve ça grotesque, compte tenu de la position occupée par ce haut fonctionnaire de justice. On ne fait pas des erreurs comme celle-là, qui sont, à éviter fondamentalement par les juges, par les juristes. Alors, on y reviendra d'ailleurs. Que s'est-il passé le 21 septembre 2001 sur le site d'AZF, au-delà de ce que nous avons raconté et des éléments d'information que nous avons donnés ? Bon, je vais aussi vous l'expliquer très rapidement et le plus succinctement possible. Et le plus clairement possible pour les auditeurs. Il faut savoir que sur le site étaient fabriqués et stockés des produits qui, s'ils étaient mis en contact, pouvaient être réactifs, voire explosifs. Ces produits étaient en sachet, dans des sacs de formes et de contenances diverses, et on rassemblait, c'est là qu'est l'erreur, on rassemblait dans un atelier dit de migrants l'ensemble de ces sacheries. Parce que des directives gouvernementales indiquaient qu'il fallait procéder au recyclage des plastiques. D'accord. Donc toutes ces sacheries étaient rassemblées dans cet atelier dit de migrants, et était collecté une fois vidé par une société sous-traitante. Que s'est-il passé ? Toutes ces sacheries, malheureusement, n'étaient pas vides. Beaucoup contenaient encore des fonds de sac. Et, pour permettre la collecte de ces sacheries, le manutentionnaire vidait au sol de cet atelier de migrants tous ces fonds de sac. Et après le congé, au mois de septembre, il y a eu une quantité anormale de ces produits versés au sol, je vous rappelle, et il a bien fallu les évacuer par une voie différente de celle qui était pratiquée. Et pour cela, il est allé chercher une peine. Il a donc constitué une peine à partir des produits à ramasser au sol et aussi à partir d'un gros sac qui contenait une tonne de produits non identifiés à ce moment-là et qui était à demi-plein. Donc, on a transféré ce sac à demi-plein dans la benne ainsi que les produits pelletés au sol. Et cette benne embrassée au point que on a pensé, le manutentionnaire a pensé, aller déposer cette benne, qui pour lui ressemblait à des produits nitratés, aller déposer cette benne dans le hangar 221 qui a explosé moins d'une heure après. Ça veut dire, donc, là, bien voilà. Aussi, ça veut donc, dire ça qu'il y a une erreur. Oui. Attendez, on est sur le cas d'une erreur, alors fatale et dramatique, hein, absolument dramatique, oui. Mais on est dans le cas d'une erreur de manutention personnelle ou d'un défaut de procédure de sécurité quotidienne. Alors, on est dans l'erreur, le manutentionnaire qui n'avait aucune formation et qui donc confondait les produits. C'est pas de sa faute, il n'avait pas la formation requise. Mais la grosse erreur, si vous voulez, c'est celle des cadres de l'usine qui ont décidé, en cherchant un atelier désaffecté, d'amener toutes ces sacheries sans distinction au même endroit. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont favorisé le contact des produits du Nord et des produits du Sud qui sont en particulier réactifs. Voilà, l'erreur, elle peut tout simplement être expliquée. L'accident chimique, il part de là. C'est la cause de l'accident. Donc on est bien sur une erreur, on n'est pas sur une malveillance. Non, on n'est pas sur une. Est-ce qu'on est sur une forme de désinvolture quand même par rapport à la nature? Une forme de négligence. C'est pas désinvolture, c'est la négligence. Bon. Oui, quelquefois ça se rejoint, mais enfin bon, d'accord. On est dans cette, oui. Sur ce terrain-là. Oui. Est-ce que vous vous êtes dit, vous, à Toulouse, comme d'autres... De la négligence, pardon. Et peut-être aussi oui. Du fait qu'on avait perdu de vue que ces produits-là étaient incompatibles. Parce que comme ils étaient, si vous voulez, localisés les uns au nord et les autres au sud, on n'avait pas pensé qu'ils pouvaient un jour se croiser. Et bien voilà la façon dont ils se sont croisés. La façon la plus dramatique qui soit, effectivement. Quand vous étiez à Toulouse, vous êtes un habitant de Toulouse, ou à côté, enfin, est-ce que vous êtes déjà dit, avant, une usine comme ça, tout de même, en plein centre-ville, c'est potentiellement dangereux, ou est-ce que ça n'a jamais été un souci? Bon, vous savez, non, ça n'a jamais été un vrai souci. Parce que, je vais vous dire, on était habitué à cette usine depuis des années. La ville de Toulouse, en partie, en vivait. On disait bien, comme ça, avec un demi-sourire, un jour ça va péter, mais on n'y croyait pas vraiment. Bien sûr. Alors, je voudrais quand même qu'on aborde, pas très longtemps, mais qu'on l'aborde, qu'on élude pas le problème, de la thèse officielle et d'autres thèses, on l'a dit dans le récit, il y a eu des contre-enquêtes de gens qui sont pas des hurluberlus tout de même, hein, des journalistes enquêteurs, des scientifiques. Alors attendez, on va en parler ensemble tous les deux. Monsieur Bruel, je pense que nous n'aurons pas le temps matériel. Attendez, je m'en occupe, c'est mon affaire, monsieur. Je suis venu pour ça. Monsieur, c'est mon affaire, je m'en occupe. On va écouter une archive qui est très courte, on va en parler, puis on parlera de Total après. Écoutez, ce mathématicien réputé comme Jean-Marie Arnaud-Diès, qui a d'ailleurs témoigné lors du procès en appel, soutient que les datations proposées par les experts officiels ne collent pas avec la réalité et qu'avant l'explosion du hangar 221, il y aurait une première explosion préliminaire. On va écouter ce point ensemble et on va en discuter après. Il y a eu une explosion dans cette zone-là. Cette explosion s'est produite entre 8 et 9 secondes avant l'explosion de l'ammonitrate. Ça, je le sais. Je le sais et je défie quiconque, en se plaçant sur le terrain purement scientifique, de me démontrer le contraire. Monsieur Ratier, qu'est-ce que vous répondez à cela? Pour avoir votre opinion sur cette thèse-là. Je dis que ce qu'affirme monsieur Arnaudien, c'est gratuit, il n'y a pas eu d'explosion du tout. Je ne suis pas expert. J'ai bien entendu suivi attentivement tout cela. J'avoue que c'est assez loin. Hein, nous sommes loin du procès en appel. J'aurais besoin d'en réfléchir derrière moi, mais je peux vous dire que Il n'y a pas eu d'explosion préalable. Ça, je peux vous le certifier. Bien. Enfin, alors, à ma connaissance. Bon, allons maintenant ensemble sur la question. Qui est responsable de ce drame? Qui en premier? Qui d'abord? Selon qui vous. Qui est responsable de ce drame? Oui. Alors. C'est la question fondamentale. En premier, si vous voulez. Bon, c'est Grande Paroisse, bien entendu. C'est la filiale. Oui. C'est la filiale qui est responsable de ne pas avoir, si vous voulez, vérifié la négligence des cadres qui avaient décidé de rapatrier toutes ces sacheries au même endroit, c'est-à-dire au hangar de Biram. D'accord. Donc, c'est clair. C'est clair. Bon, si vous voulez, l'implication de Total, on pourrait en parler longtemps aussi. Parce que alors, on peut en parler, pas forcément longtemps, Total. Mais on peut en parler maintenant. Oui. Alors, l'implication de Total, dites-moi. Mais l'implication de Total, c'est de ne pas avoir de donner des directives claires et de ne pas avoir contrôlé sur le terrain comment ça se passait. Je veux dire que Total savait que ces produits qui étaient fabriqués sur le site étaient incompatibles. Il comptait sur la distance pour qu'il n'entre pas en contact. Mmh. Mais il lui est jamais venu à l'idée de vérifier en particulier comment la réaction se produisait, quelle intensité elle pouvait avoir. Il ne lui est jamais venu à l'idée de voir si, sur le site, on préservait cet éloignement des produits. Voilà. En gros, voilà, si vous voulez... Le degré de responsabilité de Total, d'accord. Voilà. Selon vous, Total a-t-il ou a-t-elle essayé d'entraver l'enquête? Ah, mon Dieu, oui. Ah, mon Dieu, oui, ça fait pas de doute. Alors, ça fait pas de doute. Dites-moi. Alors, vous savez que la société Total, au lendemain de l'explosion, a mis en place une commission d'enquête interne qui était composée d'experts de haut niveau de Total. Mmh. Ces experts se sont rendus évidemment sur place, ils étaient présents déjà le samedi matin, et tout de suite, je dis bien, après avoir entendu les témoignages des principaux acteurs de ce drame, tout de suite, ils ont compris qu'il s'agissait ils ont investigué sur la piste chimique. Mmh. C'est ainsi que nous les trouvons dès le dimanche dans l'atelier de migrants. Ils sont là, en train de mettre de fond en comble l'atelier pour vérifier les produits qui sont présents dans cet atelier. Oui. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc et ensuite, dans le même temps, c'est-à-dire le dimanche matin, la CEI, qui ne s'était pas annoncée sur le site jusqu'à présent, son président va voir la police, va se présenter. Il était au courant, ses collègues étaient en train de fouiller l'atelier de Mira. Mais il ne dira rien à la police. Il ne dit rien, absolument rien. Bien, dans les semaines qui ont suivi, cette commission d'enquête interne, ses membres seront interrogés. Ils ne diront absolument rien de ce qu'ils ont fabriqué dans l'atelier de Biran. Donc pour vous. Il en sera ainsi, oui, jusqu'à ce que la police, qui elle aussi va, quelques deux mois après, soupçonner la piste chimique, il en sera ainsi jusqu'à ce que la police perquisitionne au siège de Total à Paris et et accès aux résultats consignés de la commission d'enquête interne, et en particulier de ce qu'elle avait pu faire dans l'atelier de Mira. Alors, qu'est-ce que vous en concluez de cela? Pardon? Qu'est-ce que vous en concluez de cet enchaînement des faits? J'en conclue que si vous me laissez poursuivre, Oui, allez-y, mais on va pas essayer de pas tout raconter complètement l'histoire parce que le temps tourne et vite. Et voilà, c'est ça. Mais oui. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Je n'arriverai pas, malgré le temps qui m'est imparti assez largement, je n'arriverai pas. Mais nous si. Sommes dispersés, je n'arriverai pas mais si, à dire pourquoi Total a tout fait pour masquer la vérité. Mais pourquoi? Il y a peut-être plusieurs éléments, effectivement, mais quel est l'élément parce principal? Allés, quel est l'élément principal qui vous permet allés, de dire ça? Ils sont allés dans l'atelier de migrants, et ils ont fouillé de fond en comble, ils ont fait des prélèvements, Et lorsque la police viendra deux mois après, parce qu'elle aussi soupçonnera la piste chimique, il lui manquera les éléments essentiels, les pièces à conviction, c'est-à-dire cette fameuse benne et ce fameux sac qui a servi à constituer cette benne, en partie. Bien, effectivement. Donc, mais si vous voulez, c'était des pièces à conviction, on ne les retrouvera pas. Bon, voilà, ça c'est important. Bon. Cet atelier, la police le trouvera chamboulé, et il sera ce que la commission d'enquête interne a bien voulu laisser subsister. Voilà. Alors, oui, monsieur Ratier, on vous a bien entendu. Je suis désolé, je vous étais venu vous parler de ça. Mais non, mais vous me parlez de... Ben oui. Oui, mais j'ai aussi des questions, vous comprenez, c'est à double sens, mais une interview. Oui, mais c'est à double sens, une interview, monsieur. Vous avez assisté au procès du 23 février 2009, j'imagine. Oui. Quel était votre sentiment, alors? J'imagine que c'était beaucoup d'amertume. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Eh bien, j'étais, si vous voulez, j'ai été ravi. Pas autant qu'en 2012, bien entendu. Ah oui, en 2011. J'ai été ravi de voir que on avait commencé à aborder les exactions commises par la commission d'enquête interne, qui ont empêché, je le répète, la manifestation de la vérité. Je regrette de ne pas pouvoir m'exprimer davantage. Mais par contre, là où j'ai été ravi, c'était en 2011, où une grande liberté était donnée aux partis qui ont pu largement s'exprimer. Et là, je peux vous dire qu'on a dit beaucoup de choses sur la commission d'enquête interne, en particulier, et sur la façon dont Total, en règle générale, a tout fait pour que la manifestation de la vérité soit masquée. Alors, c'est un peu gratuit. J'avais l'impression de... voulais y donner un support, je voulais en parler beaucoup plus longuement. C'est un peu gratuit, ce que je dis. Mais bon, dans le dossier d'information. Oui, vous exprimez à la fois votre opinion, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, et puis ce que vous avez entendu. Et puis je rappelle que vous êtes quand même très directement touché, puisque votre très proche a disparu. Je suis directement touché, mais monsieur, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire, j'avais même suivi en partie la piste de l'attentat, puis j'ai compris que ça ne ressemblait à rien, mais bon, je n'aurais pas d'idée préconçue, je veux dire, et que si aujourd'hui j'ai une idée bien précise des causes de cette explosion, eh bien, comment dirais-je, c'est pas en raison de mes intérêts, je n'ai rien absolument contre la société Total. Non, mais j'ai bien a priori, mais maintenant oui. Monsieur Ratier, nous avons eu ensemble 16 minutes, vous savez, 16 minutes d'interview, oui. C'est un créneau important. C'est important, en radio. Je le reconnais, j'ai jamais l'occasion de le faire, mais je regrette de ne pas pouvoir voir. Mais si on vous a compris. Aborder ce sujet. Mais si vous l'avez abordé. Et qui n'est pas souvent abordé. Monsieur Ratier, réécoutez l'émission podcast, vous verrez que vous l'avez abordé. Alors peut-être pas de façon complète à 100%, mais vous l'avez abordé. Je vous en remercie. Je vous salue, monsieur Ratier. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la catastrophe d'AZF à Toulouse, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, vendredi donc, la fiction, elle sera consacrée au grand écrivain américain Hemingway.